J'ai touché la feuille avec ma pensée. Elle était mon esprit. Elle n'était plus matérielle. J'ai fait flotter un rêve sur la feuille et tout autour.